cirque rouage. Je t'avais reconnu sur la rive ultérieure. Je t'aurais reconnu au théâtre de Strasbourg. Je t'aurais reconnu dans les étoiles et dans le ciel. Je t'aurais Plateau.